Ouais. Et c'est criminel, comme la pâte au chrome. On est criminel, on s'acharne comme des chromochromosomes. Ouais négro, on est monotone. Moi ici pour la survie, il faut être auto-autonome. Criminel réseau, une équipe, une assemblée de bonhommes. Touche à la mif, on te lâche qu'une balle. On te lâche qu'une balle, on est économe. Tu au manque de blé, ouais bonhomme, ouais bonhomme. On n'est plus des mômes, n'est pas pour la poissée. Même si on est suivi par la poissée, tu te souviens, dans le passé. Entre nous, on se tape, même entre shrabeux. Qu'est-ce que tu veux, c'est la poisseuse. Faut pas que je finisse comme un poisson. Poisson, quand t'entends criminel réseau, t'es impatient. Ouais négro, t'es impatient. Voyons, vous voyez bien que c'est pas noyon ni la Westside. Voyons, vous allez vous noyer. C'est NSO et c'est voyou. Va falloir que vous nous vous voyez bien comme il se doit. Ouais négro, bien comme il se doit. Bien comme il se doit, ouais négro. Bien comme il se doit, ouais négro. Bien. Si si ou 7-0 sur chaîne, on fait en sorte que les toxicos prennent leur dos dans cachet. Quand tu portes de flingue, t'es pas dingue, alarmerie, pas cachette. Quand il s'agit de sachets de coke, les keufs font des grosses saisies. Ça sert à rien de porter le glock, super tes couilles, moment décisif. Viens rafistoler le rap, comme du ruban adhésif. Sois attentif quand tu parles du criminel réseau. Faut employer le superlatif, moi je fais super la diff. Et mat, super la team, mais trop super l'équipe. Et man, quand tu veux, on se capte ton équipe. J'ai pas besoin de 10 man pour me faire tailler le bide. Certains se font entailler le bide. La large mes doigts pour eux de faire chaler le bide. Là où j'habite, ça se décapite. Pour eux, des liasses de liquide. C'est le bleu stick. Fix la rage comme un bleu héros. Les pupilles, c'est delight à cause du joint de la scène. Il dit là. Ouais, ouais, négro. Pour tous nos frères sous écrou. Tornet, ouais, négro. Pour nos frères qui rappent trop cru. Ouais, ouais, négro. Canner, Akan, Aaron Star, ouais, ouais, négro. Tout ce qui bouge là-bas, c'est pour nos frères en tôle, ouais. Je crie, j'ai dit, Hams, la clinique, boulevard, tout ça, on est posé. Cousin, Samir, Star, en l'ouraté, cousin, à cause des soucis, ils ont chopé l'ulcère, cousin, ouais. Et c'est criminel, pour nos frères, du boulevard, à sa tête, à la com, au parc de la Vallée. Somar, Alain, j'pose sur ce somar, y'en a marre de l'État, Eric Loubin, chaud de l'État, ouais. C'est criminel, Zidman, Coach, Kenton, Junior, Castra, Jovan, Ali, Ousmane, Adama, Kamara, Pete, attends, oi, qu'est-ce pas mon réseau cousin. Et c'est criminel, c'est criminel. Ouais, et c'est criminel, et c'est criminel. Lucien, criminel, et tout le monde, et c'est toute ma génération. C'est criminel, et c'est criminel. Ouais, c'est criminel. Bamaz, la boîte Zid, Islet, DJR, Tornes, criminel. VIS.